yeux coulent la plaine, dans leur amour grand. Certains disent que parfois les pierres coulent du sang. C'est le mien, mon amour, et c'est pour toi qu'il coule, qu'il coulera toujours dans mes yeux de torrent. Parfois tu verras lune éclairer le baiser de celui que tu aimes, que tu croiras aimer. Il sera dans tes bras et moi je serai là, là comme un loup blessé qui ne peut plus se battre, mais se bat encore, car l'amour c'est la mort. Et t'aimer, c'est saigner, saigner de tout son corps. Oui, l'amour, c'est la mort. Oui, l'amour, c'est la mort. Et toi, ça te fait rire de voir qu'il n'en est qu'un qui pourra s'en sortir. On sent dans la rivière, dis, sais-tu où va-t-il? Il se perdra sans doute dans de tristes estuaires, dans ma triste complainte. J'imagine soudain que tu passes par là, que tu me tends la main pour danser sous la lune, en souvenir du temps où nous étions enfants, où nous étions nous-mêmes. Mais il n'y a que moi et mes sanglots, et la lune est la seule à danser le tango. Car l'amour c'est la mort, et t'aimer c'est mourir, mourir de tout son corps. Oui, l'amour c'est la mort, et toi ça te fait rire hein, comme un empereur triste voyant son empire se dit qu'il n'a plus rien à conquérir. C'est mort, à alors c'est mort pour moi. Dans ma main ce couteau, cette entaille au poignet ressemble à ton sourire qui me dit qu'il faut partir. Je ne sens plus mon être et la douleur s'en va. Adieu mon assassine, adieu pauvre de moi. Je danse avec la mort, je danse avec la mort, et je crée à la nuit. S'il te plaît, reviens-moi. Et je danse mon amour, et je chante à la mort cette chanson d'amour, cette chanson pour toi. Chanson pour toi.